Mais quittons Jersey et venons à Guernesey. Tapner, assassin, incendiaire et voleur, est condamné à mort. À l'heure qu'il est, monsieur, et au besoin, les faits que je viens de vous citer suffiraient à le prouver, dans toutes les consciences saines et droites, la peine de mort est abolie. Tapner condamné, un cri s'élève, les pétitions se multiplient. Une, qui s'appuie énergiquement sur le principe de l'inviolabilité de la vie humaine, est signée par 600 habitants les plus éclairés de l'île. Notons ici que de nombreuses sectes chrétiennes qui se partagent les 40 000 habitants de Guernesey, 3 ministres seulement ont accordé leur signature à ces pétitions. Tous les autres l'ont refusé. Ces hommes ignorent probablement que la croix est un gibet. Le peuple criait « grâce », le prêtre a crié « mort ». Plaignons le prêtre et passons. Les pétitions vous sont remises, monsieur. Vous accordez un sursis. En pareil cas, sursis signifie commutation. L'île respire. Le gibet ne sera point dressé. Point. Le gibet se dresse. Tapner est pendu. Après réflexion. Pourquoi ? Pourquoi refuse-t-on à Guernesey ce qu'on avait tant de fois accordé à Jersey ? Pourquoi la concession à l'une et l'affront à l'autre ? Pourquoi la grâce ici et le bourreau là ? Pourquoi cette différence là où il y avait parité ? Quel le sens de ce sursis qui n'est plus qu'une aggravation ? Est-ce qu'il y aurait un mystère ? À quoi servit la réflexion ?